Même à l'âge du Christ, je ne suis qu'un humain de bas étage. J'avance par étapes pour sortir de ce marécage. J'ai pas ma langue dans ma bouche, j'ai pour habitude de parler cash. Tiraillé par les astres, un ouragan en pleine marée basse. Tant de choses on nous dépasse, on voit le bonheur dans une mer épaisse. En pleine lutte des classes, on encaisse car oui le passé pèse. Loin d'être égaux, y'a plus de pitié par l'ego. On se laisse guider, ouais c'est trop, on a les crocs. Pour un regard ça pourrait vriller. Instinct primaire, rien n'évolue depuis le Néandertal et ce foulu étant voué à nous écrouler sans égard. Regarde, oui regarde où cette vie nous mène. Avant de vouloir changer le monde, commençons par changer nous-mêmes. Sortons la tête de l'oubli, protégeons nos mères. Créons nos propres idéaux, oui partageons nos rêves. On court après la monnaie quand le monde lui court à sa perte. Être sapé comme jamais n'empêche pas de retourner sa veste. Néandertal, you gonna keep across the border and the fucking life. You say you keep it real, you need to make the time. The rule is camp, no feeling. Who's gonna bring your life? Néandertal, you gonna keep across the border and the fucking life. You say you keep it real, you need to make the time. The rule is camp, no feeling. Who's gonna bring your life? Les questions elles sont vite répondues par des imbéciles à la langue dépendue. Les indécis vacillent comme des pendules et de partout y'a la haine qui pullule. On sait plus penser, besoin d'influenceurs. Y'a plus d'effort, plus le goût de la sueur. Je prends l'escalier, j'attends plus l'ascenseur. J'ai pris trop de coups, j'ai plus d'amortisseurs. On change pas le monde du fond d'un canapé. Cette époque est sombre, j'ai besoin de clarté. On agit comme des monstres pour de l'or au poignet. Animaux immondes venus pour se gaver. Aveuglé par mes envies, je déambule comme un zombie. Je me méfie, je reste en vie. Faut que je me tire au Mozambique. On part en vacances, tutoyer la misère. Profiter du soleil, pas pour humanitaire. Nos jolis souliers ont souillé la terre-mère. On oubliera tous à l'hiver à Val d'Isère. Tous possédés par tous nos objets. Tous le même projet. Faire des billets, les brasser. Qui t'a passé les bracelets. En même temps c'est ça ou bien danser avec le banquier. Danser, danser, danser tout l'été. Sur le brasier, embrasser les flammes pour l'éternité. Plus penser, danser, se laisser tenter. J'ai oublié, je veux me rappeler qui j'étais. Néandertal, you gonna keep across the border and the fucking life. You say you keep it real, you need to make the time. The rule is camp, no feeling. Who's gonna bring your life? Néandertal, you gonna keep across the border and the fucking life. You say you keep it real, you need to make the time. The rule is camp, no feeling. Who's gonna bring your life? Quand j'ai pas le temps de les laisser parler de moi, je maîtrise ma ville, destin n'est pas scellé. Vrai dans chacune des syllabes de ma voix. Toi quand tu fais de la musique scellée. Je connais mes techniques, mes fatalities. J'ai toujours combattu la fatalité. Un jour faudrait que tu te fasses à l'idée. T'es face à Lidl, pas une plage Tahiti. Instinct primaire, j'ai pas dans mes décros. Je les aiguille sur tout type de micro. La vie je l'aime pas assez nitro. Des fois je m'échappe mais les gaz la nitro. Faudrait que j'avance, que je zappe le rétro. La mort arrive plus vite que le métro. Donc j'ai tourné la page, j'ai fini de me guédro. Je suis venu pour mettre à la mode le rétro. J'ai des instincts basiques qui me tournent dans la tête. Faut que mon sang tourne comme la cam dans une fête. Faudrait faire gaffe si la police enquête. La vie c'est un jeu, ça va partir en quête. J'ai des soucis, chire dessus comme une clope. Mes rêves sont morts par la balle du bloc. Chez nous l'avenir n'est pas rose, il est glauque. Et quand tu veux faire bien, ça peut finir en flop. J'aime pas les choix qu'ils nous proposent. C'est la peste ou le choléra. J'aime pas tous ceux qui nous ordonnent. Eux et nous, jamais ça collera. Les fils de pute, on les acclame. Pour oublier, je tire encore une taf. On danse encore autour des flammes. On a la rage comme chorégraphe. Néandertal, you gonna keep across the border and the fucking life. You say you keep it real, you need to make the time. The rule is camp, no feeling. Who's gonna bring your life? Néandertal, you gonna keep across the border and the fucking life. You say you keep it real, you need to make the time. The rule is camp, no feeling. Who's gonna bring your life?